Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Question 73. De l'œuvre du septième jour. Achèvement des œuvres divines, repos de Dieu, bénédiction et sanctification. 1. Que l'achèvement des œuvres divines doivent être rapportées au septième jour, c'est ce qui résulte de ce passage de la Genèse, le septième jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite. Genèse 2, 2. Cet achèvement doit s'entendre de la perfection qui consiste pour l'univers à tendre vers sa fin. Au septième jour, eut donc lieu la consommation de la nature, lorsque Dieu, cessant de produire des créatures nouvelles, commença de gouverner celles qu'il avait créées en les portant pour cela à leurs opérations propres. Note. D'après une autre interprétation, l'achèvement des œuvres divines se rapporte au sixième jour. Ce sentiment peut se soutenir, mais, par cela même que Dieu cessa le septième jour de produire de nouvelles créatures, on peut dire aussi qu'il acheva son œuvre. Rien de complètement nouveau n'a été fait par Dieu depuis lors, tout est compris d'une certaine façon dans l'œuvre des six jours. Les individus qui sont présentement engendrés ont préexisté matériellement ou virtuellement dans les premiers individus de leur espèce, et voilà pourquoi il est dit dans l'Ecclésiaste, « Rien n'est nouveau sous le soleil ». Ce qui est aujourd'hui existait déjà dans les œuvres qui ont précédé. Ecclésiaste 1, 9. Fin de la note. 2. Dieu s'est-il reposé de toutes ses œuvres le septième jour? La Genèse porte, Dieu se reposa le septième jour de toutes les œuvres qu'il avait faites. Genèse 2. Il est dit que de ses œuvres en ce jour, d'abord, parce qu'il cessa de produire des créatures nouvelles, ensuite, parce qu'il prit son repos en lui-même à la suite de la création de l'univers. Il est vrai, cependant, que Dieu opère sans relâche, en conservant le monde et en le gouvernant, le repos dont il s'agit n'est opposé qu'à la production de nouvelles créatures. 3. La bénédiction et la sanctification étaient-elles dues au septième jour? Dieu, nous dit la Genèse, bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il avait cessé ses œuvres. À ce jour convenait, en effet, la bénédiction et la sanctification, la bénédiction, pour la multiplication des êtres, la sanctification, pour leur repos en Dieu, car on appelle saint ce qui est consacré à Dieu. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.